Document 3, page 62. Messieurs, dames, merci de votre attention. Je voudrais vous inviter samedi à 13h pour visiter nos nouveaux bureaux. Et où se trouvent-ils ? Près de l'aéroport, c'est très pratique. Vous pouvez nous indiquer le chemin ? Oui, bien sûr. Quand vous sortez du centre-ville, vous traversez la rivière et vous prenez la direction de Montpellier. Vous allez tout droit jusqu'à un rond-point. Là, vous prenez la troisième route à droite et vous suivez les indications pour aller à l'aéroport. Vous passez un deuxième rond-point et au troisième, vous tournez tout de suite à droite. Vous continuez tout droit une centaine de mètres et après le magasin de meubles, vous tournez à gauche. C'est le sixième bâtiment sur votre droite. Excusez-moi, au premier rond-point, il faut tourner où ? À la deuxième ou à la troisième à droite ? La troisième. Il y a une indication. Aéroport. Pas d'autres questions ? Non, ça va. Alors, à samedi. À samedi.